C'est le retour de Jack White. Live, en concert, la tournée canadienne mettant en vedette son nouvel album, Boarding House Reach. Le 12 novembre au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Ne manquez pas Jack White pour un soir seulement. L'événement L'Île en Blues vous en mettra plein la vue et les oreilles. Les 17 et 18 août à Saint-Laurent de l'île d'Orléans, deux jours de vibrations et d'émotions. Venez passer d'inoubliables moments sous la présidence d'honneur de Michel Dubois, animateur de l'émission Rue d'Auteuil. Plus d'informations, lilleenblues.ca. 418-828-1177. Événements sous chapiteau. Vibrez au rythme de la francophonie à travers le monde du 1er au 3 septembre pour la 5e édition du Mondo Carnaval, culture en fête à Québec. Célébrez la musique des Caraïbes en compagnie des deux porte-paroles Flavia Nascimento et Baron Mikhailov et des invités d'honneur de plusieurs pays. Voyez les spectacles de musique à l'extérieur et en salle, le chapiteau des cultures, le marché du monde, le triptyque de la diversité et beaucoup plus. Participez au défi carnavalesque le 1er septembre sur la 3e avenue. Une foule d'activités gratuites pour toute la famille en plein cœur de Limoilou. Programmation complète sur mondocarnaval.com. Au mois d'août, voyez au cinéma Le Clap, Fleuve Noir et Mika et Sébastien dès le 3 août. Dans la brume dès le 10 août. Les As de la jungle et Le rire de ma mère dès le 17 août. Petite Italie dès le 24 août. Drôle de père et Kin le commencement dès le 31 août. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes accompagné ce soir de Marc Chaunet à la mise en onde et au choix musical et Bruno à l'animation. Et j'ai une nouvelle, là, j'ai appris aujourd'hui que c'est officiel, il va y avoir une 15e édition Terra Incognita en mai prochain, ça va être le 17, 18 et 19 mai prochain. 15e édition du festival Terra Incognita, c'est déjà annoncé, puis les groupes vont être annoncés bientôt, là. Les groupes sont déjà confirmés. Et en tout cas, vous surveillez ça. Allez faire un tour sur notre page Facebook, chercher Terra Incognita, ou allez sur notre site www.terraincognita.québec et vous aurez les informations. Je vous ai préparé une émission avec des coups de cœur de ce que j'ai écouté dans le dernier mois. J'ai été en vacances, alors ceux qui regardent les podcasts, là, vous avez vu qu'il y a un décalage là, pour les publications, j'ai publié ça en revenant cette semaine. Mais j'ai eu l'occasion quand même, j'ai eu le temps d'écouter quelques nouveautés, disques récents là, dans le rock progressif, des disques parus en 2018. Et aussi, on va faire un tour là en arrière de plusieurs années avec un groupe de la Suède. On aura un groupe de la Russie, de l'Arménie, de la France, du Québec, de l'Italie, de l'Allemagne, du Japon et de la Norvège. Ce soir, on va débuter avec une nouveauté de la Russie, justement. C'est le groupe Ros Vitalis. ROZ Vitalis. C'est leur 10e album. Moi, j'avais jamais entendu parler d'eux. Ça a été fondé en Saint-Pétersbourg en 2001. C'est instrumental là, pour cet album-là. Moi, je connais pas les autres albums, je peux pas vous le dire. Mais sur cet album-là, il y a 7 musiciens, donc du groupe ROZ Vitalis, et 9 invités. Et il y a beaucoup d'orchestration, beaucoup de trompettes. C'est rare qu'on entende la trompette dans le rock progressif. C'est un album concept. Les textes, hein, les propos sont très sérieux, les réfugiés, tout ça, mais c'est traité pas toujours. C'est sûr qu'il y a le violoncelle puis tout ça qui fait un aspect dramatique, mais c'est pas toujours sombre. On aura 2 pièces de cet album-là ce soir, une pour débuter et une dans le dernier bloc. Alors celle pour débuter, ça sera la pièce Thoth Shalt Tread Upon the Lion and Adder. On aura également un troisième extrait de Yuka et Chronoship, le nouveau Yuka et Chronoship. Il y a Jean-François qui vous a fait entendre un deuxième extrait là, de la pièce Argo, qui est une pièce qui se décline en plusieurs parties, en 7 parties. Moi, j'avais fait jouer un extrait aussi de celle-là. Il y a aussi, qui est une pièce instrumentale, il y a aussi des pièces chantées sur ça, puis celle que j'ai choisie pour vous ce soir, c'est la pièce Visible Light, qui est chantée par la compositrice, claviériste et chanteuse de ce groupe Yuka et Chronoship, et c'est Yuka Funakoshi, alors qui chante en japonais sur ça, puis il y a la traduction en anglais là, fournie dans le livret qui vient avec l'album. Très bel album, moi j'aime beaucoup les claviers, tout ça, c'est très dynamique. C'est assez jazzé par moment, là. On a pu le voir dans la pièce que Jean-François a fait jouer il y a 2 semaines, la pièce A Dragon That Never Sleeps, mais ce sera Visible Light. Et on aura également comme nouveauté de la Norvège le groupe Ring Van Mobius, et c'est leur premier album. C'est des jeunes qui jouent comme s'ils étaient dans les années 70, alors des instruments des années 70, un enregistrement comme dans les années 70. On aura un extrait d'une très longue pièce, environ la moitié de la pièce titre Past the Evening Sun du groupe Van Mobius, et ça, ce sera la troisième pièce. Donc on aura ROZ Vitalis de la Russie, Yuka et Chronoship du Japon, et Ring Van Mobius, un extrait de la superbe pièce de la Norvège. On y va tout de suite en musique. Thank you. drag you down. Your feet belong on earth. cannot be for me. A whisper makes me shiver. The echo of the world is calling. A glimpse of me returning, while I and my alter ego bow down. n'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Comme surgit de nulle part, au-dessus de tout horizon. La bouquinerie Nouvelle Chance vous invite à une soirée de poésie sous les étoiles mettant en vedette Michel Plot, Charles Sagalan, Joël Gauvin-Racine, Richard Joubert et le collectif Ramen. L'écho n'existe pas. Le dimanche 19 août à 19h30, à l'espace éphémère Place Méseret, 1895 Chemin de la Canardière à Limoilou. Emportez quelques mots avec vous. Et de retour avec Bruno et Marc, et c'était le groupe norvégien Ring Van Mobius. C'est un nouveau groupe. Et l'album Past the Evening Sun, c'est un extrait de la première pièce. Il y a trois pièces sur ça. La première, on se dit qu'ils sont influencés un peu par Van der Graaf parce qu'il y a beaucoup de saxophones. C'est celle-là qu'on a écoutée. La deuxième, on se dit ah, ils sont influencés comme par King Crimson, vraiment, c'est dans l'ambiance. Et pour la troisième, c'est plutôt Emerson, Lake & Palmer. Mais c'est enregistré avec des instruments des années 70, au style années 70. Donc, Past the Evening Sun de Ring Van Mobius. Juste avant, il y avait eu Yuka et Chronoship avec la pièce chantée en japonais. Et on avait débuté avec la formation de russe Rose Vitalis. Et c'était un extrait de l'album The Hidden Man and the Heart, of the Heart. Voilà. Et ça, c'est paru au mois d'avril, je crois. Donc, leur dixième album de la formation. On écoutera un autre extrait, en fait, dans le dernier bloc de l'émission. Mais pour le prochain bloc, je vous présente une nouveauté que Michel vous a présentée la semaine dernière, le groupe Argos de l'Allemagne. Moi, je les suis depuis 2009, leur premier album, et c'est leur cinquième. Et il y avait donc la pièce que Michel vous avait présentée, il y avait la participation d'Andy Tillison. Alors sur celle-là, il y a des musiciens invités, ils sont maintenant 5 musiciens plus quelques invités, et c'est la longue pièce qu'on écoutera de leur nouvel album Unidentified Dying Objects. On aura la pièce When the Tide Comes In, et ce sera suivi de Ancient Veil qui ont sorti cette année Ring of the Earthly Live, un album, et il y a une pièce sur la compilation qui vient avec le magazine Rock Progressivo Italiano volume 1 de Terra Incognita, et on écoutera cette pièce des Ancient Veil justement après Argos. Alors on y va tout de suite en musique, et comme je le disais là, allez faire un tour sur notre site là, bientôt ça sera annoncé. Et les groupes qui seront de Terra Incognita 15e édition 2019 les 17, 18 et 19 mai prochains. Alors on y va tout de suite en musique avec Argos. Seems so wrong to think about it, going back again. There was a time we made the difference, played the game. Smile the while, pretend till the end. Pass away, yes they pass away. Thank you.

casting shots from a distant past, drawing pinpricks of blood and of glass. And a new day dawns to remind me years where we were. Lies now blurred, still the faintest light brings me hope now. Le groupe allemand Argos et leur album Unidentified Dying Objects, ça vient tout juste de paraître, mais en fait ça fait pas longtemps, quelques semaines. Michel vous en avait fait jouer un extrait, et celle-là, ben, c'était la longue pièce de l'album, la pièce When the Tide Comes In. Alors, on a pour suivre l'artiste arménien Mikhaïl Abazian, qui vient de faire paraître son second album, l'album Something More, qui est paru cette semaine. Et c'est son second album. Son premier avait été en hommage à la musique de Peter Hamill et Van der Graaf Generator. Je vous en avais présenté certainement quelques extraits. Et c'est son premier album de composition originale. On ira avec la pièce Shortcut de Mikhaïl Abazian. From childhood days to moist graves we go. Some even call it a long protracted jump. Well, it is so, unless we fill it with some goals to go for, unless we feel there should be something more. And on your way, you'll need someone to lean on, somebody close to you to embrace and smile. You'll need a star to comfort you, someone to live for, someone to whom you could give a wink before you die. I used to think I sacrificed decades of given time and turned them into waste. Get rid of all the useless things the wise man had told me once. Wake up your dreams and use another chance. The time has come for me to leave my footprints. One, then another one, and more, and so on. in spite of all hints. The shortcut to myself will not be shown. Renouvelez votre carte de membre au 405 3e avenue à Limoilou. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. CKRL est présentement en campagne d'adhésion 2018-2019 et c'est le temps de renouveler votre carte de membre ou de le devenir. Adhérez avant le vendredi 31 août 19h et soyez éligible au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de $300 lors du dévoilement de la programmation automne-hiver en formule 5 à 7 dans les studios de CKRL. Renouvelez votre carte de membre au 418-640-2575, poste 201 ou au 405 3e avenue à Limoilou et avec PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne vous coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Faites-le aujourd'hui. Et de retour à Terra Incognita, ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était l'artiste arménien Mikhaïl Abazian et son nouvel album Something More. Et c'était la pièce Shortcut. On poursuit maintenant avec une formation française, Hypnose, mais il faut remplacer le S par un 5, donc ça fait Hypno 5E. Et c'est leur nouvel album qui est une trame sonore en fait, Alba, les ombres errantes. Et c'est leur 4e album pour cette formation de France qui était souvent assez pesant dans le style, là, si vous me permettez l'expression. Mais celui-là, c'est beaucoup plus acoustique. Il y a beaucoup de narration, des narrations en français, des narrations en espagnol. C'est chanté en anglais et en espagnol pour certaines pièces. Et il y a beaucoup d'ambiance puisque c'est une trame sonore. Là. C'est une œuvre de 75 minutes. Et c'est assez hypnotique par moment, mais il y a des côtés post-rock un peu aussi avec des pièces plus dynamiques qu'on écoutera de ce projet, la pièce Who Wakes Up From This Dream Does Not Bear My Name de Hypnose, la formation française. Et on aura également du Soul Anima et du Deep Project qui vont faire paraître leur nouvel album là, bientôt. Et il y aura un spectacle là, à Québec le 13 octobre et on aura la pièce Tell Me. Mais on y va tout de suite en musique avec Hypnose. We'll be right back. Oh, Never know, you'd better not fly here.

89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. CKRL est présentement en campagne d'adhésion 2018-2019 et c'est le temps de renouveler votre carte de membre ou de le devenir. Adhérez avant le vendredi 31 août 19h et soyez éligible au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300$ lors du dévoilement de la programmation automne-hiver en formule 5 à 7 dans les studios de CKRL. Renouvelez votre carte de membre au 418-640-2575, poste 201 ou au 405 3e avenue à Limoilou et avec PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne vous coûte que 25$ et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Faites-le aujourd'hui. Alors, de retour à Terra Incognita, ce qu'on entendait juste avant la pause, c'était le groupe québécois The Deep Project et la pièce Tell Me. Et c'est une pièce là, qu'on aura sur le nouvel album. Ça, c'est une version pré-production. Puisque Stéphane Desbiens et Jean Gosselin étaient passés en entrevue là, pour nous parler de ce nouvel album Find Your Son qu'ils lanceront à la Margelle du Cégep Sainte-Foy le 13 octobre prochain. Et question spectacle aussi, le 10 octobre, il y a Straubs au Palais Montcalm avec leur tournée d'adieu. Le 3 octobre, la semaine d'avant, c'est IQ qui reviennent à la salle Jean-Paul Tardy. Il y a le 10 septembre, Terry Bozzio à Jean-Paul Tardy, The Prog Story, le 8 septembre, à Jean-Paul Tardy aussi. Et comme je le disais, là, il y a Gang aussi avec Sea Village là, le 23 novembre à Jean-Paul Tardy. Et ça, c'est sûr que j'irai voir ça parce que j'ai toujours aimé la formation Gang. Et Sea Village, on a eu l'occasion de le voir, comme Jean-François en parlait il y a deux semaines, au Near Fest. Alors, on y va maintenant avec, je vous parlais de Ross Vitalis en début d'émission. C'est l'album The Hidden Man and the Heart de la Russie. Et on a un second extrait, l'extrait Psalm 6, la version LP, la version donc vinyle. Et également, je vous parlais d'un bond dans le temps avec Grandstand, qui est un groupe suédois. Et c'est leur second album, paru en 2002. Et Tricks of Time, c'est leur meilleur. On aura la superbe pièce Old Man's Tale. Allons-y tout de suite en musique avec Ross Vitalis. And learn to